donc un peu les filles. Allez, marquez ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de Érigé pour suivre cette émission Johnny de A à Z. Érigé 90.7 sur Bordeaux et le érigéfm.fr sur Internet. On retrouve cette émission tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Ben oui, vous pouvez en parler toujours autour de vous. Cette émission aussi, vous pouvez en parler, il n'y a aucun souci. Et puis, toutes les semaines, vous avez droit au podcast. Et aussi, vous pouvez réécouter cette émission sur la radio web 100% Johnny Hallyday. Ce soir, on se retrouve pour un album de la semaine qui date de 1965 et s'intitule Alléluia. Ce qu'on va retrouver, vu que cet album ne contient que des reprises sur les 13 titres qu'il compose, on va écouter la version française de Johnny et on va écoutera la version originale. Il y aura deux titres, on n'aura pas de version originale car ça a été écrit par Mickey Jones. Ces deux titres, on en parlera un peu plus tard au cours de cette émission. Donc on parle encore de l'album Alléluia qui est sorti le 9 juillet 1965 et juste avant ça, petite genèse. Encore emprisonné dans sa caserne lorsqu'il enregistre cet album, Johnny compte sur ce nouvel opus pour relancer sa carrière. Paris à demi gagné seulement, hein. Déboulant sur les fans comme un cheval fou, l'album est trop radical pour séduire le grand public. Donc nous sommes en juillet 1965, Johnny est absent des scènes depuis 14 mois et il doit renverser des montagnes pour se réapproprier sa carrière. Avec l'album Alléluia, Johnny joue gros, hein, et c'est sur ces 13 titres qui renferment que le caporal Hallyday, en passe d'être démobilisé, repart sur les routes. Le 33 tours est tout entier tenu par l'hypothèse de la mort artistique du rocker. L'album Alléluia est dans les bacs le 9 juillet 1965 et c'est incontestablement un grand album à la charnière de la période de New Rock et de l'époque style anglais de Johnny Hallyday. Enregistré à Paris lors de nombreuses permissions à partir de janvier 65, puis en février, mars, avril et un dernier retour au studio le 25 juin avec Eddie Vartan pour boucler cet album. Il est doté, cet album, d'une pochette sublime due à l'objectif de Jean-Pierre Lenoir, l'une des plus fines gâchettes photographiques de l'époque. Et quand on écoute l'album, on sent bien que Johnny court après quelque chose. Et quand on le repose, on croit savoir ce qu'il va entreprendre, une croisade pour retrouver son trône. Je vous propose tout de suite de découvrir le titre d'ouverture de cet album-là, c'est « Mes yeux sont fous ». Bonne soirée à toutes et à tous avec Johnny Hallyday, ici sur Antenne de RIG dans l'émission « Johnny de A à Z ». Où mes yeux sont fous, où là devant moi, c'est la fille que j'aimais, dans ses bras c'est mon meilleur ami, mais non, je ne peux croire ça. Ça me ferait trop mal, elle ne ferait pas ça, ça me ferait trop mal, elle ne dirait pas ça, pas ça. Sont fous, où la vie me joue un tour. Mais pourquoi me faire ça? Je veux si peu, je demandais qu'elle m'aime un peu, mais c'était beaucoup. Leurs lèvres qui se cherchent, ça me ferait trop mal. Et ces mots qu'elle lui crie, ça me ferait trop mal, trop mal. Thank you. ami qui trahit, ça me ferait trop mal. Cette fille qui m'oublie, ça me ferait trop mal. Mes yeux se sont trompés, mes yeux sont fous. Oh non, ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Comme je vous ai dit en ouverture, l'album Alléluia est dans les bacs le 9 juillet 65. Une quinzaine de jours plus tard, sort le 20e IP Extended Play. On est encore dans les eaux basses, et malgré le tour de force vocale qui transcende le titre principal Mes yeux sont fous, le 45 tours a du mal à se vendre. Il n'est, en tout cas, pas à la hauteur de ce que peut attendre s'agissant de Johnny Hallyday. Mes yeux sont fous est l'adaptation française de I Must Be Seeing Things, un hit de Gene Pitney, écrit par un petit génie des claviers appelé Al Cooper, qui, associé au Bob Dylan de Highway 61 Revisited, est en train de changer la face du rock quasiment à la même époque. C'est la version de Gene Pitney qu'on écoute tout de suite. I Must Be Seeing Things. J'ai du mal, hein? Isn't that my girl? And is that my best friend? Aren't they walking much too close together? And it don't look like they're talking about the weather. Hallyday by Hallyday. Johnny en live. On va voir la musique. On reste dans l'année 1965 et on retrouve Johnny Hallyday. Musique au rapa à l'Olympia 1965. En revenant dans ce pays, là où le soleil est le vent, là où mes amis, mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant. Elle paraît si belle, retiens la nuit, mon amour, qu'elle devienne éternelle. Les mauvais garçons, s'ils te le disent, ne sont pas méchants.

mon près du ciel, et mon près du ciel, qui est en souffert. On les appelle les mon près du ciel, pour moi c'est l'enfer. En bas dans la ville, les gens vivent et les gens s'aiment. Je vois une église et mon cœur se serre. Dans cette église, l'autel est couvert de fleurs. Les cloches qui sonnent cognent dans mon pauvre cœur. Et je pleure seul, mon amour perdu, là-haut sur le mont près du ciel. Ah, là-haut sur le mont près du ciel. Sur le mont du ciel. Voici tout de suite la version de Harold Dorman, The Mountain of Love, datant de 1960. Standing on the mountain, looking down on the city, the way he already feels is a doggone pity. Teardrop falling down the mountain side. Many times I've been here, and many times I've cried. Tous les titres de cet album Alléluia, oui c'est ça, ou sinon à la base il n'avait pas de nom cet album là. On va écouter tous les titres, ces 13 titres là, et parmi les titres on va retrouver On a ses jours, donc une chanson des Beatles qui a été créée par eux-mêmes, par les Beatles, hein, et repris aussi dans leur film Help. C'est une composition totalement sous pression, aussi déjantée que le long métrage de Richard Lester lui-même. On écoute ça tout de suite et après on écoutera la version des Beatles, She's a Woman. On a ces jours de peine. Maintenant, quoi qu'il arrive, tous les combats que je livre, c'est bien pour toi que j'aime. Pour une place première, une place à la lumière, qui en vaudra la peine. On a ces jours de chance. Après quelques souffrances, pour toi il faut que je gagne, et j'abattrai des montagnes. Pour moi la vie commence. En renversant les barrières, chaque lutte à sa manière, rien n'est perdu d'avance. Le jour où je te rencontrerai, non jamais je ne l'oublierai. On a ces jours de fête, les jours où l'on s'inquiète. Les jours tristes où il fait sombre, avec des ennuis sans nombre qui tombent sur nos têtes. L'amour n'est-il qu'un beau rêve? Et si un jour il s'achève, déjà mon cœur s'inquiète. Tu rencontrais, non jamais je ne l'oublierai. On a ces jours de peine, on a ces jours de peine. Maintenant, toi qui la vienne, à quoi bon tous ces problèmes? Dis-moi, puisque tu m'aimes. On a ces jours de misère, puis les clair que les beaux jours reviennent. Car je t'aime, ouais car je t'aime, ouais car je t'aime, ouais car je t'aime, ouais car je t'aime, ouais car je t'aime. On écoute la version live, j'ai carrément oublié. Extrait du film 8 Days a Week, les Beatles sont live. On dirait un avion supersonique qui passe. Les Beatles au Hollywood Bowl, c'était en 1964 ou 1965. Ça a été enregistré pendant cette période-là, lors de ces deux années. On revient à l'album de la semaine qui est Alléluia, sorti en 1965, n'est-ce pas? Oui, merci, merci d'avion. Il est passé. On va écouter prochainement une chanson, Tu ne me verras pas pleurer. Et ce qui serait bien, c'est que je retrouve ma petite fiche qui passe par là. Voilà, non, c'est pas celle-ci. donc ça va être celle-là. Et oui, oui, c'est le vrai bordel ce soir dans cette émission Johnny de A à Z. Tu ne verras pas pleurer et la chanson Juste un peu de temps sont deux chansons agréables mais qui ont valu à l'époque quelques déboires à l'Idole. Certains journalistes grincheux ont pu écrire qu'elle n'était pas à la hauteur de son talent. La critique, en l'occurrence, ratait là une bonne occasion de montrer que le train de l'histoire, puisque Tu ne verras pas pleurer, est dû à la plume du futur nouveau guitariste de Johnny, Mickey Jones. Et lorsque Jones prendra officiellement ses fonctions du directeur d'orchestre au tout début de 1966, il fera corps avec le batteur Tommy Brown, qui est lui aussi déjà auteur pour le rocker de la chanson Toujours plus loin en 1964. Et ce sera donc la fameuse période des Blackbirds. Voici tout de suite Tu ne me verras pas pleurer, extrait d'album de la semaine. Alléluia. Par la version anglaise car il n'en existe pas. Mickey Jones écrivait et composait la chanson et en anglais et après Johnny s'occupait du reste et lui reprenait ou pas. Alibay by Alibay. Johnny en live. On va voir la musique. On refait un tour du côté de l'Olympia en 1965 pour ce Musicorama Europe 1. Tu t'es fini. Il faut aujourd'hui des ennuis, ou peut-être quand on a des ennuis, ouais. Autre moment live. Johnny! Ce n'est pas Olympia, mais à la merci. Télévision. Wow! Johnny! Johnny! Johnny! Johnny est dans l'émission H Tendre. Ouais. Tu m'entends? Tête de bois et tendres années de 1965. C'était le 13 janvier 1965. Les lèvres de tous les gens qui sont ici. Attends une minute, je t'entends très mal. Attends. Nous voudrions tous savoir ici quand tu vas nous revenir. C'est surtout ça. Oh, eh bien, je sais pas, au mois de juillet, par là. Ben, reviens le plus vite possible. Et à toi, et chante-nous, Johnny revient, on t'écoute. Merci. Attendre demain. Malgré son amour, elle ne me comprenait pas, car elle était bien trop différente de moi. Elle n'a pas su comprendre pourquoi je l'ai quittée. Donc que je la vois, elle ne se fait plus. années dans l'émission Tête de bois et tendres années. Nous sommes toujours en 1965 et donc nous découvrons ou on redécouvre l'album Alléluia sorti le 9 juillet 1965. Et le prochain titre qu'on va écouter, ce sera celui qui t'a fait pleurer. Et à Nashville, en novembre 1963, Johnny adopte Bolt of Love de Eddie Kilroy. Revenu à Paris, il reprend la bande et y place une première mouture en français, déjà signée Ralph Burnett, La pierre d'amour, que l'on découvre en face B de la, du titre Va-t'en, donc en 1965. Et le 10 février 1965, nouvelle modification à la bande, Johnny chantant cette fois-ci Celui qui t'a fait pleurer, destiné donc pour l'album Alléluia. Je n'ai pas trouvé la version de Eddie Kilroy, donc on écoutera la version anglaise que Johnny avait faite en 1963, Bolt of Love. Mais voici de suite la version française, Celui qui t'a fait pleurer. Vous écoutez RIG et l'émission Johnny de Z. Jamais, jamais, on ne tiendra ma vie comme toi. Mais tu vois, je suis pris de toujours l'amour. C'est près de toi que mon cœur l'a désiré. Qu'il revienne à celui qui t'a fait pleurer avant, celui qui t'a fait pleurer. Il n'a pas su t'aimer, te prouver un jour son amour en retour, te voyant souffrir. Mon cœur t'a prise à lui, ah c'est vrai, sans regret. Ouais, qu'il revienne, à celui qui t'a fait pleurer avant, à celui qui t'a fait pleurer. Il tenait ton amour enfermé dans ses bras, sans savoir que c'était toi. Mais c'est trop tard, oui tu vois, il peut pleurer. À présent tu es à moi. Et qu'il revienne, celui qui t'a fait pleurer avant, celui qui t'a fait pleurer. Three, zero, one, four, nine, seven. It came on me like a flood of sorrow right after. A big black cloud. A cold wind swept through my heart, and the thunder crushed our clouds. Well, it came down from above. I was struck down by a bolt of love. I was struck down by a bolt of love. Will one girl put all this pain in my heart and made the rain in my eyes? Will she make of my life a stormy sea swept by the tide of her lies? Well, it came down from above. Struck down by a bolt of love, I was struck down by a bolt of love. Well, I ran and I hid under every tree, but I couldn't get away. Well, too late now, she's got the hurt on me. Oh Lord, it's been a black, black day. Well, it came down from above. I struck down by a bolt of love. I was I struck down by a bolt of love. Ce soir dans cette émission Johnny de A à Z, on découvre l'album Alléluia de 1965, et en même temps, vu qu'il n'y a que des titres, des reprises, on va écouter en même temps la version française et la version originale, ou presque. Des fois, ça peut être une adaptation. La prochaine qu'on va écouter, ce sera Quand revient la nuit. Et Quand revient la nuit est à l'origine un tube américain interprété par un garçon très sage nommé Bobby Vitton. Vitton n'a jamais réellement réussi à s'imposer en France, mais aux États-Unis, en termes de vente de disques, il fait jeu égal avec Presley et Sinatra dans sa décennie de gloire de 1962 à 1972. Mr. Lonely, l'original de Quand revient la nuit, a fait tomber sur lui une pluie d'or à l'automne 1964. Blue Velvet, un autre de ses hits, obsède dans sa jeunesse le réalisateur David Lynch, qui baptisera aussi un de ses plus fameux films. Voici la version de Johnny Hallyday, Quand revient la nuit, et on écoutera après la version de Bobby Vitton. Go back home. I get no letters in the mail. I've been forgotten, yeah, forgotten. Oh, how I wonder, how is it I fare? En 1975, Johnny reprendra la version de Bobby Vinton, Mr. Lonely. À présent, nous allons revenir à la rubrique de Antoine Decaune, l'Odyssée d'une idée, et cette fois-ci, ce sera avec le titre Toi qui t'en vas. L'Odyssée, Johnny Hallyday. On sait que pour Johnny, la musique qu'il aime, elle vient de là, elle vient du blues. Qui suis-je, moi, Antoine Decaune, qui vous raconte son odyssée pour contredire Johnny? Hein? Dont acte. Mais lui, Johnny, chante-t-il le blues? Affirmatif et même super bien. Ma mission aujourd'hui, si vous le voulez bien, sera de mettre en exergue cette facette particulière de son talent protéiforme. Faut-il rappeler l'étincelante interprétation de « Excuse-moi, partenaire » de 1964 sur un blues parfaitement exécuté? Mais oui, ailleurs il te faudra chercher. Il te faudra chercher quelqu'un d'autre pour danser. Car cette jolie fille-là redanse avec moi. Mais oui, excuse-moi, partenaire, de t'interrompre ainsi. En revanche, malgré son titre, le blues « Ma guitare et moi » de Mort Schumann et Michel Mallory n'a rien de classique. Au fond de moi, un démon me pousse. Et sans le savoir, malgré moi, je chantais le blues de ma vie. Cette dilection de Johnny pour la musique noire en général et le blues en particulier, l'amène à fréquenter les spécialistes nationaux du genre, comme Bill Durham, à qui il emprunte en 1983 la chanson « Laisse-moi une chance ». Pourquoi tu m'as lourdé ? Je rendais la vie impossible. Depuis que les plombs ont sauté, j'ai commencé à changer les fusibles. Laisse-moi une chance. Comme Bill Durham, Paul Persson est un champion français du blues. Un guitariste ultra performant que Johnny a plusieurs fois invité à le rejoindre sur scène, par exemple au Parc des Princes en 1993. La pétulante rockeuse italienne Claudia Colonna salue publiquement Johnny en 1999 par un album au titre explicite « Hommage à une légende vivante du rock'n'roll », elle inclut dans sa sélection l'un des plus beaux blues de Johnny, « Toi qui t'en vas ». Les paroles de « Toi qui t'en vas » sont écrites par Gilles Thibault sur une musique originale que Johnny a composée quand il était à l'armée. Je vous parle de ça, c'était il y a vachement longtemps. Il y est encore une fois question de prison. Un détenu s'adresse à un autre qui va être libéré et lui fait porter un message à sa mère pour demander pardon. Aujourd'hui, tu t'en vas. Les paroles, c'est fini pour toi. J'entends les pas du gardien qui vient par là. J'entends déjà sonner ses clés. À toi la liberté.

Bon, cette chanson-là a été... Merci Johnny. Cette chanson a été une reprise du titre de Barrett Strong, qui date de 1959, et ce titre a été repris par des tas de groupes, les Beatles, The Kingsmen, les Rolling Stones, les Jerry Lewis, The Supreme, John Lee Hooker, nous avons aussi John Lennon aussi qui l'a reprise également, les Doors, Led Zeppelin, The Flying Lizard, il y en a plein, Ringo Starr aussi hein, qui l'a repris, et puis aussi Etta James, comme nous dit sur Facebook, nous dit Fab. Voilà. Allez, hop, c'est le moment de la pub. Merci, Johnny, de la présenter, la publicité. Une question, simplement. Oui, j'ai une question pour vous. Vous voulez que ça continue? Oui. Eh bien, alors, juste après la pub. Holiday by Holiday. Johnny et la publicité. Ouais, c'est sérieux. Sur le bar, pour que chacun s'approche, une bouteille de Ricard. L'étranger dans la ville, il s'est fait des amis. On danse dans la ville toute la nuit. L'étranger dans la ville. Le fil de cette émission Johnny Hallyday en 1965 avec l'album de la semaine Alléluia, sorti donc le 9 juillet 1965. Le prochain titre qu'on va écouter, ce sera Va-t'en. Va-t'en qui est un hommage à tous ces groupes anglais sauvages qui sont en train d'écrire une nouvelle page dans la saga mouvementée de la musique pop et la Rolling Stone, Pretty Things, Them, Animals. Et on peut dire que ce titre-là, c'est une adaptation d'un classique de Willie Dixon qui, s'inspirant du gospel This Strain, l'avait signé pour l'harmoniciste Little Walter. Et la mention de Buddy Holly comme compositeur est une erreur, peut-être due à une confusion avec I Am A Man, oui, parce qu'on parle surtout que c'est justement Buddy Holly qui a fait cette chanson. Non, on va écouter tout de suite la version de Little Walter avec My Babe, la version originale de Va-t'en. My baby don't stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my babe. Too little baby, my babe. My babe, I know she'd love me, my babe. Oh yes, I know she'd love me, my baby. Oh yes, I know she'd love me. She don't do nothing but kiss and hug me, my baby. True little baby, my baby. Oh,

Elvis Presley à Las Vegas en 1969. On revient à l'album de la semaine, Alléluia, sorti en 65. Le prochain titre est Pleurer auprès de toi. Quelle transition avec Elvis, qui est à la base un des titres les plus envoûtants du premier album d'Elvis Presley sur RCA. Il aura mis 10 ans pour traverser l'Atlantique. Elvis le faisait déjà tanguer avec ardeur, mais en lui conservant un petit côté country. Avec Johnny, on bascule dans le rock pur et dur, sans doute pour muscler encore plus le désespoir qui s'échappe du texte. Il faut dire qu'on pleure beaucoup dans ce 33 tours, qui est animé par l'esprit de vengeance. Pleurer auprès de toi, tu ne verras pas pleurer, et celui qui t'a fait pleurer. Je resterai là pour pleurer auprès de toi. Je resterai là pour pleurer auprès de toi. Si tu me quittais demain, si ton cœur a du chagrin, je resterai là pour pleurer auprès de toi. Je t'aimerai plus fort encore à chaque fois. Je t'aimerai plus fort encore au fond de moi. Et si tu me quittais demain, si ton cœur a du chagrin, je resterai là pour pleurer auprès de toi. À que mes amis le sachent, qu'ils apprennent tout, qu'ils jugent ma peine, à quel point je suis fou. Si tu me quittais demain, si ton cœur a du chagrin, je resterai là pour pleurer auprès de toi. Plus fort encore à chaque fois. Je t'aimerai plus fort encore au fond de moi. Et si tu me quittais demain, si ton cœur a du chagrin, je resterai là pour pleurer auprès de toi. Ah, que mes amis le sachent, qu'ils apprennent tout, qu'ils jugent ma peine, à quel point je suis fou. Si tu me quittais demain, si ton cœur a du chagrin, je resterai là pour pleurer auprès de toi. Ah, je resterai là pour pleurer auprès de toi. Je resterai là pour pleurer auprès de toi. Joe Thomas créé à l'original au début des années 50, se référant vraisemblablement à la version de Roy Hamilton, l'Elvis Presley l'enregistra en janvier 56, ce qui provoqua l'adoption du titre par les Beatles, chanté par John Lennon, puis par celle de John Hayden. C'est la version de Roy Hamilton qu'on écoute tout de suite sur le thème de RIG. I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit back down and cry over you. If you'll ever say goodbye, if you're ever even by, I'm gonna sit back down and cry over you. I'm gonna love you more and more every day. I'm gonna love you more and more in every way. And if you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna sit back down and cry over you. So they'll know exactly what I'm gonna do. If you ever say goodbye, if you ever even try, I'll stay back down and cry over you. Tell my mama, tell my papa too. Alléluia est à l'honneur ce soir dans l'émission Johnny de A à Z ici sur RIG. Et on va écouter dans quelques secondes Plus je te regarde, qui est un standard parmi les standards du rock médium américain. Le rythme est menaçant, la basse bourdonne, la voix folle et le désir de la possession rôde. On ne compte pas les noms innombrables versions de Harry Snickers, Elvis Presley, Stevie Wonder, José Feliciano et tant d'autres. Et Johnny, pour sa part, marche sur les traces de Jerry Lewis et accentue le côté exaspérant de la mélodie, le côté inquiétant du rythme. Voici Plus je te regarde, plus je te trouve jolie. Oh yeah. Ouais, plus je te regarde, plus je te trouve jolie. Et plus mes yeux s'attardent sur tes lèvres, plus tu rougis. Pourquoi baisser les yeux à ton regard me rend si heureux. Et plus les heures passent, plus je te veux dans mes bras. Plus vite je me lasse des autres filles que je vois. Changer, je ne vis plus que pour t'aimer. Et que l'amour te rend bien plus jolie. Que la chance m'a souri. Et que l'amour te rend bien plus jolie. Bien plus jolie. Ouais. La version originale a été écrite et enregistrée par Tommy Tucker en 1963. Show. pretty show, you're gonna knock him dead. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Nous retournons à l'Olympia le 25 octobre 1965 pour ce Musicorama européen. Et ce titre, Bring Home to Me. Si tu avais. Reviens donc chez nous. Des regrets. Qui fait un jour de m'avoir quitté. Reviens-moi. Qui revient, alléluia. porte ta main. Alléluia, la chanson extrait de l'album de la semaine, et aussi appelée Pour nos joies et pour nos peines, sortira ultérieurement en 45 tours. Cette jolie ballade, classiquement orchestrée, est un standard des feux de camp et des colonies de vacances. Elle plaît dans les campagnes américaines en 1961, au moment de sa sortie, et réapparaît sous une forme ou sous une autre un peu partout dans le monde, avec des textes sensiblement différents. On en connaît une version française, hein, vous en souvenez, Michael est de retour. Michael est de retour, alléluia, hein. Il existe même une déclinaison à destination des veillées religieuses. Donc ce titre est assez agréable, mais il est ici à peu près, il est aussi à sa place comme le titre Cours plus vite Charlie sur Rêve et Amour, ou que comme Un corbeau blanc, hein, sur l'album Insolitude, un ovni quoi, un ovni. Et en août 1964, Trini Lopez fait revenir le titre dans le top. Il faut probablement chercher là l'origine de cette reprise par Johnny. Et justement, c'est la version de Trini Lopez qu'on écoute tout de suite avec Michael Row the Boat Ashore. C'est facile à retenir, mais il a pas arrêté de le répéter. Hein. Michael rowed the boat ashore. Hallelujah. Michael rowed the boat ashore. Hallelujah. Sister, help to trim the sails. Hallelujah. Sister, help to trim the sails. Hallelujah. Michael, row the boat ashore. Hallelujah. Michael, row the boat ashore. Hallelujah. River Jordan, chilly and cold. Hallelujah. Chills the body, but not the soul. Hallelujah. Michael rowed the boat ashore. Hallelujah. Michael rowed the boat ashore. Hallelujah. River is deep, if river is wide. Hallelujah. Milk and honey on the other side. Hallelujah. Michael row the boat ashore. Hallelujah. Michael row the boat ashore. Ça ne finira jamais. Johnny et les films.

just a little more time. Just a little more time, and it won't take you long. Just a little more time, I think you've got me wrong. Just a little more time, I'll make you understand. Just a little more time, I want to be your man. I'll admit I'm a little slow in making my love show, but if you'll be my girl for a while, we could get along fine. But if this one date is whole, you'll never know how hard I'd fall. And all I need is you and just a little more time. Just a little more time, and it won't take long. Just a little more time, I think you've got me wrong. Just a little more time, I'll make you understand. Just a little more time, I want to be your man. Now you say I can call you again, you'd rather just be my friend. But if you'd be my girl for a while, I could change your mind. So if you're ever lonesome, just call me on the phone sometime. All I need is you and just a little more time. And just a little more time, and it won't take long. Just a little more time, I think you've got me wrong. Just a little more time, I'll make you understand. Just a little more time, I want to be your man. Just one more time. Just a little more time, and it won't take long. Just a little more time, I think you've got me wrong. Johnny n'est pas à l'aise sur ce titre, Just One More Time ou Just A Little More Time. Danny Morrison enregistra Just A Little More Time dans un studio de maquette et confia le résultat à son éditeur qui en transmit une copie à son bureau parisien. C'est ainsi que l'adaptation en fut confiée au fiable Gilles Jean pour Johnny. La version originale américaine ne fut jamais réalisée et de son côté, Johnny fit une tentative en anglais, donc qu'on vient d'entendre, mais le résultat dormit 3 décennies dans un placard. On écoute tout de suite la version française. 16 extraits de l'album de la semaine Alléluia. Un seul rendez-vous ne pourra pas, je l'avoue, te montrer à quel point je t'aime. Oh combien. Pourtant si j'ai la chance qu'un soir, oui, tu veuilles me revoir, tout ira bien, je crois. Mais donne-moi du temps. Oui, donne-moi un peu de temps, le temps que mes 20 ans accrochent de mon temps. Oui, juste un peu de temps. Oui, donne-moi un peu de temps, le temps d'une prière pour que ton amour rend mon amour espère. Rendez-vous est le dernier pour nous. Comment te prouver de bonne foi mon amour pour toi? Je suis maladroit pour t'avouer tout cela. Alors écoute-moi encore une fois. Oui, donne-moi un peu de temps, le temps que mes 20 ans accrochent de temps. Oui, juste un peu de temps. Donne-moi un peu de temps, le temps d'une prière pour que ton amour rend mon amour espère. À chaque coup de téléphone, tu me réponds, il n'y a personne. Mais sortons tous les deux une nuit, tu changeras d'avis. Oui, je saurai me faire aimer si ta confiance veut m'accorder rien qu'un peu de temps, un peu de temps. Oui, donne-moi un peu de temps, le temps que mes 20 ans approchent de 20 ans. Oui, juste un peu de temps. Oui, donne-moi un peu de temps, le temps que mes 20 ans approchent de 20 ans. Oui, juste un peu de temps. Oui, donne-moi un peu de temps. L'album de la semaine Alléluia se conclut sur un titre enregistré le 12 février avec la participation d'Eddie Vartan, de Jacques Dangean et des Lionceaux dans une boîte parisienne à la mode, Bilboquet, où Johnny reprend contact avec la scène avant de se lancer dans la tournée d'été qu'il espère être celle de la reconquête. Et ce zip d'Yé est emprunté au savoir-faire du grand sorcier Phil Spector. Vas-y, zip d'Yé, Johnny Hallyday sur RIG. Avec elle je marchais tout en fredonnant, et j'entends sa voix qui me chantait. C'est pas du dada. Spector avait repêché cette chanson sur la bande originale du film Song of the South, un dessin animé de Walt Disney, et en fit un triomphe pop par Bobby Sox and the Blue Jeans en novembre 1962. Et ben voilà, on va y réécouter ce titre-là. C'est pas dit. C'est parti, hein. Sunshine.